bama kama ngoriyo manu kelo ma ye bama kama ngoriyo periyo bama periyo periyo bama periyo periyo bama periyo periyo bama periyo Poma perio, manu keloma. Poma perio, manu keloma. Poma perio, manu keloma. Perio, poma perio, perio, poma perio, perio, poma perio, perio, poma perio. Ne pleure pas, bébé, ne pleure pas, ne pleure pas. Maman est allée à la source, elle reviendra tout à l'heure, hein? Tu mangeras tout seul. Nana que papi le prepa con mano una vez.